بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le jeudi 11 ذو القعدة 1441 de l'Hégire, correspondant au 2 juillet 2020, je suis très, très heureux de vous retrouver afin de poursuivre ensemble la lecture du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir al-Dimashqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna, son livre qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Et on avait fini le premier volet de la dernière partie de ce livre dans le cours précédent, ou plutôt dans les deux cours précédents, dans lesquels l'imam Ibn Kathir rahimahullah a parlé des particularités de notre prophète alayhi salatu wassalam par rapport aux autres prophètes alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième volet de cette dernière partie, dans laquelle l'imam Ibn Kathir rahimahullah parlera des points et des caractères spécifiques à notre prophète alayhi salatu wassalam comparé aux membres de sa communauté. Et ces points peuvent être commune à lui ainsi qu'à d'autres prophètes. Il peut les partager avec lui, d'autres prophètes parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Donc elles ne sont pas spécifiques à lui par rapport aux prophètes, mais elles sont spécifiques à lui dans sa législation. La législation de l'islam avec laquelle il a été envoyé, il a des jugements qui lui sont propres et qui ne sont pas valables pour les autres membres de sa communauté. Et la sagesse, parmi les sagesses et les bienfaits et les mérites de connaître ce domaine, comme on l'a cité précédemment, c'est de savoir ces choses-là afin de ne pas le prendre comme exemple dans ces choses-là par ignorance, et ainsi tomber dans une chose qui n'est pas autorisée. Car ces choses-là, ça peut être des choses qui sont autorisées pour lui seul, ou qui sont interdites pour lui seul, ou qui sont obligatoires pour lui seul, et ainsi de suite. Le premier livre, donc j'avais mentionné que l'imam Ibn Kathir a classé ces points selon les différents chapitres dans les livres de la jurisprudence. Dans les livres de l'fiqh, il va commencer par le livre de la foi. Ensuite, il va parler du livre de la purification ou le chapitre de la purification. Mais c'est un livre parce que sous ce livre, il y a d'autres chapitres dans les livres de l'fiqh. Mais ici, il va aborder tous les points car, comme vous pouvez vous imaginer, ces points-là ne sont pas très nombreux, car la règle de base dans les textes, c'est qu'ils sont valables pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute sa communauté. Ça, c'est la règle de base. C'est-à-dire, tous les textes, même dans lesquels Allah azza wa jalla s'adresse à son noble prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est valable pour sa communauté. Sauf ces exceptions-là que les savants ont compilées dans des ouvrages avec le nom de l'khasa'is, les spécificités ou les caractères particuliers, exclusifs au prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette législation. Le premier livre avec lequel il a commencé par le livre de la foi, Kitab al-Iman. Et dans ce livre, il a cité 11 mas'alas parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam. Il a cité 11 points. Il y a un point parmi les 11 qui est extrêmement faible, et même l'imam Ibn Kathir l'a mentionné, que si c'était pas d'autres savants avant lui qui avaient mentionné dans leur livre ce point, ils l'auraient pas mentionné. Parce que ça vaut pas la peine de le citer, et ce point est clair que ça fait pas partie des spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, mais une compréhension que certains savants ont eu par rapport à ce point. On va l'aborder quand on va y arriver. Donc il a cité 11 mas'ala. La première, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est infaillible dans ses paroles et dans ses actes. Il est infaillible dans ses paroles et dans ses actes. Et ce n'est pas possible pour lui de tomber dans une erreur volontairement, de faire une chose yani qui est considérée comme une faute dans la religion d'une manière volontaire. Ceci n'est pas possible au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Comme même quand il tombe dans une chose, si ça devrait arriver, qui n'est pas conforme à la législation, Allah subhanahu wa ta'ala le rectifie aussitôt. Et ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle point de ses passions, ce n'est que révélation. Donc tout ce qui est en lien avec la législation, ça c'est par rapport, notez bien que ça concerne les paroles et les actes du prophète alayhi sallam qui sont en lien avec la religion et la législation, pas les choses de dunya. Ce n'est pas concerné ici, les choses de dunya. Mais les choses qui sont en lien avec la législation, c'est pas possible que le Nabi alayhi sallam qu'il fasse une erreur. Par exemple, par rapport à la transmission du message. Encore moins, yani de tomber dans une chose qui n'est pas conforme, par erreur, encore moins de le faire d'une manière volontaire. Et si une erreur devrait arriver, qui n'est pas volontaire, bien évidemment, Allah Azza wa Jal ne l'approuve pas sur ce point, et il le rectifie, subhanahu wa ta'ala, aussitôt. C'est pour ça, les savants, je vous le cite, c'est pas cité ici dans le livre, mais c'est une faïda, en lien avec ce point. Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a été ensorcelé pendant cette longue période, dans laquelle il pensait avoir fait certaines choses alors qu'il les avait pas fait, les savants ont bien mentionné que c'était par rapport aux choses de dunya, en particulier par rapport aux femmes. Cette sorcellerie l'a touché par rapport aux femmes. Et ça ne l'a pas touché, alayhi salatu wassalam, dans la révélation, dans le message, dans la transmission du message, ça ne l'a pas touché, alayhi salatu wassalam, du tout. Donc il est infaillible quand il s'agit de la religion. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de le suivre d'une manière absolue. Et son suivi n'est pas conditionné. Contrairement au suivi des savants. Qu'on doit suivre tant que leurs paroles et leurs avis sont appuyés par les dalils du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. On ne suit pas un savant parce que c'est un savant, ou parce qu'il s'appelle Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ou parce qu'il s'appelle Sheikh al-Albani, rahimahullah. On le suit tant qu'il suit le prophète alayhi salatu wassalam. Et les grands imams, comme ceux que je viens de mentionner, et il y en a d'autres, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, la liste est longue, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Abbad, alhamdoulilah, les savants de la sunna sont nombreux. On les suit tant qu'ils suivent la sunna. Et bien évidemment, ces savants, c'est prouvé qu'ils visent la sunna. Après, l'erreur est humaine. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Si jamais un savant, il devrait avoir un effort par rapport à une question, une mas'ala dans la religion, dans laquelle il n'a pas l'avis juste, on ne doit pas le suivre dans ce point. Et ceux qui ont les compétences, pas les ignorants et pas les débutants dans la science, ceux qui ont le niveau adéquat pour détecter ce genre d'erreur et les réfuter avec science, ceux-là doivent, yani ici il y a la possibilité de conseiller le savant quand c'est des savants comme ça, de le conseiller, ou s'il est décédé, de montrer son erreur dans ce point avec adab. Et en reconnaissant son statut dans la sunna, on ne parle pas de lui comme un innovateur ou comme un égaré. On parle de lui comme on parle d'un imam dans la sunna, un imam à notre époque, comme on parle des imams à toute époque de la sunna. Mais les erreurs, on les montre avec adab. Et on enseigne aux gens qu'on ne suit pas le savant dans les avis qui ne sont pas conformes à la sunna. Et c'est comme ça que ces savants veulent de nous. Ils ne veulent pas de nous qu'on les suive dans tout. Parce que si jamais tu crois qu'il y a un homme qui doit être suivi dans toutes les masa'il, ça c'est une apostasie. Car ceci est un statut spécifique au prophète alayhi salatu wassalam qui ne se doit à aucun homme après lui, y compris Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, y compris Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Si on croit ces choses-là par rapport à ces imams, par rapport à ces hommes dont la foi de l'un d'entre eux dans un côté de la balance est plus lourde que la foi de toute la Ummah, ces hommes qui ont atteint des degrés dans la foi, gigantesque, radiyallahu anhum, et on croit ça vis-à-vis d'eux, comme a dit Abdullah ibn Abbas, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. Bientôt Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre sur vous des pierres du ciel comme châtiment. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit, et Umar a dit. Donc, et regardez comment Abdullah ibn Abbas, il dit dans ce affar immense, dans un point de fiqh qui est le meilleur des rituels de l'hajj, du pèlerinage. Est-ce que c'est tamattu' ou l'ifrad ou l'qiran? Et sunna, c'est tamattu'. Et Abu Bakr et Umar, radiyallahu anhumah, ils avaient un autre avis par rapport à cette mas'ala. Ils voyaient que l'ifrad est meilleur. Ils avaient, bien évidemment, ce n'est pas un avis basé sur le vent. Ils ont des dalils, ils ont des choses sur lesquelles ils se sont appuyés, mais l'avis le plus fort par rapport à cette mas'ala, qui est une question de divergence, c'est At-Tamattu. Dans ce cas-là, on suit l'avis de Abdullah ibn Abbas, qui est plus proche de la sunna, et on ne suit pas l'avis de Abu Bakr et de Umar radiyallahu anhuma. Et bien évidemment, qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas comparé à Abu Bakr et Umar? Abdullah ibn Abbas, Nabi alayhi salam est décédé, il était enfant. Il devait avoir 11 ans ou quelque chose comme ça. Après, c'est devenu un des plus grands savants de la Ummah. Habrul Ummah, Turjuman al-Qur'an, le cousin du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, l'interprète, l'exégèse du Qur'an. Mujahid, il dit, je lui ai récité le Qur'an deux fois. On passe pas par un verset sans qu'il me l'interprète, il me l'explique. Une montagne de science, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Mais c'est pas le degré de Abu Bakr et Umar, radiallahu anhu. Donc, al-Sunnah al-Jama'i, ils sont comme ça. On va pas écouter les accusations à tort des innovateurs et des égarés qui accusent al-Sunnah al-Jama'i de fanatisme vis-à-vis de leurs savants. Et ce phénomène, si ça existe, en général, ça existe chez des gens débutants dans la religion. Faut qu'on leur apprenne comment on se comporte avec nos savants et comment l'adab qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux, na'am, ça c'est une chose importante afin d'éviter ce fanatisme. Et l'ibra, c'est dalil. Dalil, il est clair, c'est pas quelque chose qui est caché dans des dossiers à droite, à gauche, sur une étagère d'une maktaba que personne n'a jamais vu dans sa vie. Al-Sunna wal-Jama'a, ils ont une clarté dans leur méthodologie. Tout est clair pour eux. Et tout est clair chez eux. Quand ils critiquent un homme, ils le critiquent avec des preuves. Après, on regarde ces preuves. Est-ce qu'elles sont valables ou pas? Parce que quelqu'un, il peut avoir une mauvaise compréhension et critiquer une chose qui est une vérité. Quand c'est prouvé que c'est une erreur, on regarde la taille de l'erreur. C'est pas toute erreur qui fait sortir de l'islam. Et c'est pas toute erreur qui fait sortir de la sunna. Et ça, sous la lumière de la personne dans laquelle, qui est tombée dans cette erreur. Quelqu'un qui est connu par l'amour des sahaba et qui les défend et qui a fait des ouvrages sur les droits des compagnons, radiallahu anhum. Il lui arrive une erreur dans un terme. On va pas dire, on va pas le mettre au même pied d'égalité que Rafidi, qui dénigre les compagnons, radiallahu anhum. Mais malheureusement, quand il n'y a pas les justes mesures de la science, on voit ce qu'on voit à notre époque. Et si seulement les gens se sont limités aux paroles des savants et se sont cramponnés aux recommandations des savants, ça leur aurait suffi. Ils n'auraient pas eu besoin de gens qui sont débutants dans l'ilm pour leur montrer la bonne position dans le fitna, quelle que soit cette fitna. Une question qui est en lien avec cette première mas'ala qu'on a vue, l'infaillibilité du prophète alayhi salatu wassalam dans ses paroles et dans ses actes qui sont en lien avec la religion. Donc qui sont en lien avec la religion pour faire sortir les choses qui sont en lien avec dunya. Le Nabi alayhi salatu wassalam, une fois il est passé, il a vu des compagnons, j'ai oublié comment on appelle ça en français, mais en tout cas ils travaillaient des palmiers. Ils leur faisaient ce qu'on appelle talqih. Yani, en ramenant des choses du mâle, de l'arbre mâle à l'arbre femelle, pour avoir comme une fécondation. Non, je pense que c'est ça, la fécondation. En tout cas, il les a vus faire ça, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils lui ont expliqué. Il leur a dit, laissez. Ça sert à rien. Et cette saison, ça n'a pas donné de date. Ce datier n'a pas donné de date. Et après, le Nabi alayhi salam, quand ils sont venus le voir, il leur a dit, vous connaissez mieux que moi les affaires de votre dunya. Vos affaires mondaines, yani, il a donné son avis par rapport à ça. Dans le dunya, yani, le Nabi alayhi salam, il donne son avis. Et tout en sachant son statut, même dans le dunya. Yani, les capacités intellectuelles qu'Allah azza wa jalla lui a données. Mais malgré ça, dans des choses comme ça, yani, ça reste comme ça. Par contre, dans les choses de la religion, Nabi Aïssa Salam est infaillible. Dans les paroles et dans les actes. Tout ce qui est en lien avec la religion. Une autre mas'ala qui est en lien avec cette première mas'ala. Qui est-ce que le Nabi Aïssa Salam peut faire un ijtihad? Est-ce qu'il peut faire des efforts d'interprétation de lui-même? Une question qui se présente à lui, il l'étudie à la lumière des textes qu'il a, il sort avec un jugement par rapport à cette mas'ala. Sans attendre la révélation d'Allah par rapport à cette mas'ala en particulier. Ça, c'est ce que les hommes de science font. Quand la cigarette a été inventée, ce grand fléau, ce grand mal, qu'Allah nous en préserve et préserve toute la umma de ce mal, et celui qui fume, il ne se fait pas du mal qu'à lui-même. Pire encore, il fait du mal à ses enfants, à sa femme. Et rien que ça, ça devrait l'aider, bi'idnillah, à arrêter immédiatement. Faire du mal à ses enfants, à des bébés, à des enfants en bas âge, à sa femme, son épouse, et aux membres de sa famille. Sans parler de gaspillage d'argent, le mal qui se fait à sa santé, et les péchés qu'il se prend également. Parce que sa santé, ça lui appartient pas. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut de sa santé. Il doit préserver sa santé. C'est Allah qui lui a donné cette santé, il doit la préserver. Donc, est-ce que, j'ai dit, par rapport aux cigarettes, quand ce mauvais fléau est apparu, les savants, ils n'avaient pas un jugement dans les textes par rapport à la cigarette en particulier, d'une manière nominative. Mais ils ont étudié ce phénomène à la lumière des autres textes. Et ils nous ont donné le jugement de la cigarette. Est-ce que le Nabi Issa Salam, ça c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad chez Al-Sunnah, il n'a lieu que dans les questions dans lesquelles il n'y a pas un texte. Quand il y a un texte, il n'y a pas l'ijtihad. L'ijtihad, c'est dans les questions dans lesquelles il n'y a pas de texte. C'est pour ça la règle, l'ijtihad ma'a an-nass. Il n'y a pas d'effort d'interprétation en présence d'un texte. Quand il y a le texte, on le met en pratique et ça s'arrête là. Donc, est-ce que le Nabi Issa Salam pouvait faire un ijtihad? Il y a des savants qui ont dit, les savants ont divergé dans cette question sur trois avis, comme a dit l'imam Ibn Kathir. Le premier avis, ils ont dit, Nabi Issa Salam ne faisait pas d'ijtihad dans les questions religieuses. Pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité d'avoir le texte. Donc, il n'avait pas besoin de ijtihad. Même s'il n'avait pas les textes en main, il pouvait attendre jusqu'à les avoir. Et ça c'est arrivé souvent au prophète Aïssa Salam. Il est interrogé sur une mas'ala dont il n'a pas la réponse. Et Jibril Aïssa Salam descend avec la révélation instantanément pour l'informer Aïssa Salam du jugement de cette mas'ala. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, Nabi Aïssa Salam ne faisait pas d'effort d'interprétation dans la religion. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il avait la possibilité d'avoir le texte. D'autres ont dit, il faisait des ijtihad. Il faisait des ijtihad. Mais, il était infaillible même dans son ijtihad. Même quand il fait un effort personnel dans une mas'ala, il donne un jugement, il était infaillible. D'autres ont dit non, il n'était pas infaillible. Mais si jamais cet ijtihad n'est pas conforme avec ce qu'il y a auprès d'Allah, Allah Azza wa Jal lui donne la révélation par rapport à ça et rectifie cet ijtihad de la part du prophète alayhi salatu wa salam. Et de toute manière, cette divergence, bien évidemment, vous savez que dans Usul al-Fiqh, il y a des divergences. Il n'y a pas de fruit. Parce que tous les savants qui disent, qui ont donné ces avis, malgré qu'ils ont divergé, la conséquence est la même et le fruit est le même pour eux tous. Et la conséquence, c'est que le Nabi Isa alayhi salam est infaillible dans les affaires de la religion. Et même si son effort n'est pas conforme avec ce que Allah Azza wa Jalla veut, il sera rectifié aussitôt. Et ça, c'est un aspect spécifique à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Justement, c'est pas valable pour les savants. Le savant, il peut faire un ijtihad et ne pas être dans la vie juste. On parle de la vie juste auprès d'Allah. Car la vie juste auprès d'Allah, c'est un seul, dans une question dans laquelle il y a une divergence de tabab, dans laquelle les avis s'opposent. Un qui dit haram, l'autre dit halal, alors la vérité par rapport à cette question, elle est unique. Il ne peut pas y avoir deux avis qui s'opposent dans une même mas'ala. Par contre, khilaf tanawwu, la divergence de variété, comme les différentes formules rapportées par rapport à salat, sur le prophète alayhi salatu wassalam, par rapport à tashahhud, ainsi de suite, ça, c'est une divergence de variété. Il n'y a pas de mal à appliquer cette formule ou l'autre, c'est une divergence de variété. Mais dans la divergence de tadad, dans laquelle les avis s'opposent, et c'est pas possible de joindre les différents avis. Quelqu'un dit que cette chose est interdite, l'autre il dit qu'elle est autorisée, l'autre il dit qu'elle est obligatoire. Donc, dans ce cas-là, c'est pas possible qu'ils aient tous la vie juste. C'est un seul parmi eux qui a la vie juste, conforme à ce que Allah veut dans cette mas'ala. C'est pour ça l'imam Malik, quand ils ont dit, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont divergé, il a dit, ليس كلهم مصيب الحق واحد. Ils n'ont pas tous la vie juste, car la vérité est unique. Donc ça, c'est un caractère exclusif à notre prophète عليه الصلاة والسلام et qui est valable pour les autres prophètes, mais qui n'est valable pour personne de sa communauté. L'avis de la communauté est infaillible, est une vérité quand il y a consensus, quand il y a unanimité. Naam, là, oui. Mais un seul de la communauté, il n'a pas cet aspect. La deuxième mas'ala qu'il a citée ici, c'est ce que Abu al-Abbas ibn al-Qas, vous rappelez que cet homme de science parmi Shafi'iyya a fait un livre dans lequel c'était le premier qui a parlé de l'khasa'is. C'est pour ça l'imam Ibn Kathir, il s'est basé sur son livre. Il a rajouté d'autres choses, il a retiré d'autres choses. Il a rajouté certaines choses, il en a retiré d'autres. Donc, cette mas'ala, c'est que le Nabi alayhi salam a été chargé à lui seul de connaître de la science ce que toute l'humanité a mis dans toute l'humanité a été chargée. Yani, la science dont il a été chargé de connaître à lui seul, c'est comme la science que doit connaître toute la Ummah. Toute la Ummah. Toute la communauté. Et il s'est basé sur cette particularité du prophète alayhi salatu wassalam, sur un hadith rapporté par al-Bayhaqi. Selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée tous les deux, Abdullah et son père Umar, selon le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a dit, Baynama ana na'im, pendant que je dors, idh utitu bi qadahin fihi laban, pendant que je dors, on m'a ramené un verre de lait, un verre dans lequel il y a du lait. فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْهَارِي. J'en ai bu jusqu'à ce que je me suis rassasié et jusqu'à ce que c'est arrivé dans mes angles, dans le rêve. ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. Et ensuite j'ai donné ce qui restait, le surplus de ce qui restait dans le verre de lait, je l'ai donné à Omar ibn al-Khattab. Il lui en dit au messager d'Allah, comment t'as interprété cela? Par quoi t'as interprété cela, ce rêve? Il a dit, par la science. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement bu, et le peu qui restait, il l'a donné à Omar ibn al-Khattab. Il y a dans ce hadith un mérite de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et ceux qui ont dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été chargé de connaître de la science ce que toute la Umma a été chargée, ils se sont basés sur ce dalil. La troisième mas'ala, c'est qu'il voyait ce que les gens ne voient pas autour de lui. Et ils se sont basés sur un hadith dans les deux authentiques. Un hadith dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, selon Aïcha radiallahu anha, que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, lui a dit, « هذا جبريل يقرأ عليك السلام. » Ceci est Jibril qui te passe le salam. « قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى. » Elle lui a dit, Assalam à Jibril, au messager d'Allah. Tu vois ce que nous voyons pas. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, mais elle a vu personne. Ça, c'est dans les deux authentiques. Également, dans un autre hadith, dans les deux authentiques, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila, wa la bakaytum kathira. Il a dit, par Allah, si vous savez ce que je sais, vous aurez ri que très peu et vous aurez pleuré beaucoup. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous pardonner. Et dans un autre hadith, selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a lu ce verset, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ne s'est-il pas passé un temps très long durant lequel l'homme ne méritait même pas d'être cité, dans le sens approximatif, jusqu'à ce qu'il a terminé cette sourate, sourate l'insan. Ensuite, il a dit, alayhi salatu wassalam, inni ara ma la taraun, wa asma'u ma la tasma'un. Je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous entendez pas. عطتِ السماء وحق لها أن تعط. السماء, le ciel, fait du bruit. عطت, c'est-à-dire que elle fait du bruit tellement elle est alourdie, tellement il y a d'anges dans le ciel, il s'est alourdi avec le nombre immense d'anges, au point de faire un bruit. Le bruit de la chose qui est alourdie. Et je ne me rappelle pas très bien qui a dit ça, mais certains parmi les rapporteurs de ce hadith, que c'est comme la selle, quand tu la mets sur un cheval et qu'elle est neuve, et tu montes dessus, ça fait un bruit. Ce son-là, c'est comme Ça a été décrit, ça a été comparé à ce sang que fait le ciel, tellement il est alourdi par la présence d'un très très grand nombre d'anges. Ensuite, Nabi Aïssa Salam a expliqué cela, on dit, yani il a dit, elle fait ce bruit, et elle a raison de le faire. Ma fiha mawdi'u qadra usbu'in illa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Il n'y a pas l'équivalent de quatre doigts, une distance équivalente à quatre doigts dans le ciel, sans qu'il y ait un ange qui pose son front en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Par Allah, si vous savez ce que je sais, la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Vous aurez ri que très peu et vous aurez pleuré beaucoup. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ. Et vous n'aurez même pas joui des femmes dont vous couchez. Yani les relations intimes. Vous n'aurez même pas pris plaisir dans les relations intimes. وَلَا خَلَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ. Et vous serez sortis d'or, c'est-à-dire d'or, إِلَى الصُّعُدَاتِ يعني الطُّرُقَاتِ. Mais la signification, c'est que vous serez sortis dehors, dans les rues et dans les chemins. Taj'aruna ila Allah. En s'écriant à forte voix, à voix forte, et en hurlant, en demandant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah. Ensuite, Nabi Aïssa Salam a dit, Wallahi, lawadittu anni shajaratun tu'adab. Par Allah, j'aurais souhaité être un arbre qui est arraché, déraciné. Ce hadith est authentique. Et ce hadith, afwan, est accepté. Il est hasan. Il est hasan, excepté la dernière phrase. C'est une parole de Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. C'est une parole du compagnon et non pas une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est une parole d'un compagnon qui a son poids. Mais ce n'est pas la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est la phrase dans laquelle il est dit, par Allah, j'aurais souhaité être un arbre qui sera arraché et déraciné. C'est-à-dire, et ne pas être ressuscité devant Allah. Et ne pas être jugé par Allah. Ça, c'est un compagnon, il dit ça. Comme Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, un très grand compagnon. Que devrons-nous dire? La quatrième mas'ala, c'est que Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam, à lui seul et à personne en dehors de lui, ça c'est spécifique à lui, c'est parmi ses particularités, alayhi salatu wassalam, il lui a ordonné de choisir l'au-delà sur le bas-monde. De choisir l'au-delà sur le bas-monde. Et c'est pour ça que Nabi Aïssa Salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a proposé de lui transformer les montagnes de Mecca en des montagnes en or, il a refusé, alayhi salam. Il a dit, oh Allah, je préfère manger un jour et te remercier, et avoir faim un autre jour, et t'implorer, et te demander, alayhi salatu wassalam. La cinquième, c'est qu'il lui a été interdit de porter le regard et d'envier les gens de Dunya, les gens à qui Allah a accordé des jouissances éphémères dans ce bas monde, à qui Allah a donné des biens, des richesses, il lui a été interdit de porter son regard sur eux et de les envier sur les bienfaits éphémères qu'Allah leur a donnés. Et ça a été rapporté d'une manière explicite dans deux versets du Coran. Dans Surat Taha, Allah Azza wa Jalla dit: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ne porte point tes yeux, c'est-à-dire ne porte point ton regard sur les jouissances éphémères que nous avons réservées à certains d'entre eux, à part de ce bas monde, des biens de ce bas monde, par lequel nous les éprouvons, mais les biens que dispense ton Seigneur sont bien meilleurs et plus durables. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Ne porte surtout pas un regard d'envieux sur ces jouissances dont nous gratifions certains groupes parmi les mécréants. Ne t'attriste pas pour eux. Sois humble et bienveillant avec les croyants. Littéralement, c'est baisse ton aile pour les croyants. La signification, c'est sois humble. Humble et bienveillant. Donc ça, est-ce que c'est spécifique à lui? C'est spécifique à lui, d'une manière, quand c'est, comme il a dit l'imam Ibn Kathir, c'est interdit pour lui. Après, c'est recommandé pour nous de ne pas regarder les biens éphémères qui ont été donnés aux kuffars et de les valoriser. Car celui qui valorise une chose de dunya, il a contré la mesure d'Allah de dunya. Dunya tout entière, depuis son début jusqu'à sa fin, ne vaut pas l'aile d'une mouche auprès d'Allah. Alors que dire d'un seul bien de cette dunya? Qu'est-ce que ça vaut auprès d'Allah? Donc si toi t'élèves ce que Allah a rabaissé, ça c'est une faiblesse dans ta foi. Mais c'est pas, tu tombes pas dans un péché. Et c'est pas interdit. Pour le Nabi alayhi salam, c'est interdit d'envier ceux de dunya sur les biens qui leur ont été donnés de dunya. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on doit arriver. Et de voir cette dunya comme elle est auprès d'Allah. Et de ne pas la voir avec les yeux des insouciants et des distraits. Ceux qui travaillent dans dunya comme s'ils étaient créés pour la dunya et qui oublient l'akhira. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, il cherchait refuge auprès d'Allah contre le fait que dunya devient sa première préoccupation. Et que tout ce qu'il apprend comme science dans cette dunya, il l'apprend pour la dunya. Il délaisse la science de l'akhira, qui est la science de la religion. C'est pour ça que tu trouves certains qui connaissent des détails extrêmement minutieux sur des points de dunya et qui connaissent pas le sens de Surat al-Fatiha ou de Surat al-Ikhlas. donner un sage qu'Allah subhanahu wa ta'ala la donne à ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste. Mais la religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne la donne qu'à ceux qu'il aime. C'est pour ça, il nous est légiféré d'envier quelqu'un sur des choses de la religion et d'aimer avoir la même chose que lui. Tout en aimant qu'Allah maintient ses bienfaits sur ce serviteur. Parmi les points également, c'est que l'apprentissage de la poésie, الشعر, lui a été interdit. Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous lui avons pas enseigné la poésie, et ça ne se doit pas pour lui. C'est-à-dire d'apprendre la poésie. Il y a un hadith qui est faible, qui a été rapporté, selon Abdullah ibn Umar. Il a entendu le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam dire, peu importe pour moi, que je bois un tiryak. Un tiryak, c'est un médicament qu'on prend contre le poison. Quelqu'un qui a mangé ou bu un poison, on lui donne ce remède contre le poison. Et ça, c'était pratiqué avant. C'était même connu chez les Grecs. C'est très ancien. Et ce médicament, il le fabriquait à partir du poison, du serpent, certains insectes et animaux venimeux. Donc, Nabi alayhi sallam, il dit, peu importe pour moi que je boive un tiryak, ou que j'attache un talisman, ou que je dise la poésie de moi-même, c'est-à-dire une poésie que c'est moi qui a dit pour la première fois. Et non pas rapporter la poésie d'un autre. Ça, Nabi alayhi sallam, ça pouvait lui arriver. Mais dire une poésie de lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui a inventé cette poésie, ça, non, il l'a jamais fait. Mais ça lui est déjà arrivé de répéter la poésie de quelqu'un d'autre. Alayhi sallatu wassalam. Mais le hadith est faible. C'est pour ça, l'imam Ibn Kathir, il dit, les Shafi'iyya, il dit nos compagnons, il veut dire Shafi'iyya, car c'est un Shafi'i, ils voyaient que c'était interdit pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre la poésie. Et ceux qui citent ça en général, parce qu'ils savent l'éloquence qu'avait le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus éloquent qu'Allah a créé. Donc, c'était pas impossible pour lui de dire la poésie. Pourquoi il le disait pas? Parce que c'était interdit pour lui. C'est ça le raisonnement de ces savants. Également, le septième point, c'est qu'il était illettré. Il ne savait pas écrire, alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit que ceci était interdit pour lui, d'apprendre à écrire. Et ils se sont appuyés sur un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, dont il est fait mention dans leurs écrits, dans la Torah et dans l'Évangile, dans la Torah et dans l'Évangile, la Torah des Juifs et l'Évangile des chrétiens, de Nasara. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Avant ce livre, c'est-à-dire le Coran, tu n'en récitais aucun, ni n'en écrivait de ta main droite, car dans ce cas-là, les contradicteurs aurait été plus sceptique. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as écrit par toi-même. Allah Azzawajal a fait que son prophète, alayhi salatu wasalam, ne sache pas lire ni écrire. Et certains, parmi les hommes de science, ont dit que Nabi alayhi salatu wasalam a appris à écrire avant de mourir. C'est-à-dire après, il a appris à écrire. L'imam Ibn Kathir, il dit que ça, c'est une parole sur laquelle il n'y a pas de dalil et à les rejeter. Sauf si on s'appuie sur un hadith rapporté par le Bayhaqi, selon Abdullah, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas décédé jusqu'à ce qu'il ait appris à lire et à écrire. Ce hadith est faible. Ce hadith est faible. Et il y a dans sa chaîne des hommes qui ont été critiqués par les savants. Un parmi les savants du Maghreb, c'est comme ça que l'imam Ibn Kathir a dit. Un parmi les savants du Maghreb, il ne l'a pas cité, mais il parle de Abu al-Walid al-Baji, un très grand savant maliki qui a expliqué le Muwatta dans un livre qui s'appelle Al-Muntaqa. Un parmi les savants du Maghreb en dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a écrit le jour du pacte de l'Hudaybiyah. Il a écrit, c'est lui qui a écrit le pacte avec Kuffar Quraysh. Mais quand il a donné cet avis, ce savant, quand il a donné cet avis, il a reçu des blâmes des savants contemporains dans son pays et ailleurs, très forte. Et ils se sont désavoués de lui. Et ils ont fait même les discours de l'Jumu'ah, dans lesquels ils se sont désavoués de cette parole, de ce savant. Et ils ont écrit des poèmes dans lesquels ils l'ont dénigré. Et ils ont dénigré son avis. Car il a dit que le Nabi alayhi sallam a écrit lui-même. Et subhanallah, regarde comment l'imam Ibn Kathir, il lui trouve une excuse. On tire deux leçons là. La première, regardez quelqu'un, il dit une chose par rapport au prophète alayhi sallam, qui n'est pas une diminution du prophète alayhi sallam, au contraire, mais qui s'oppose à d'autres choses qui sont authentiques et qui est due à une compréhension dans laquelle il y a une faille et pas la bonne compréhension. Mais malgré ça, regardez comment ils se sont comportés avec lui. Imaginez quelqu'un, il dit du mal du prophète alayhi salam. Et ça démontre que l'islam, que le musulmine était très très attaché à leur religion. Même un grand savant, il dit une chose comme ça, dans laquelle en réalité il n'y a pas de dénigrement. Et Ali ibn Abi Salam a écrit le pacte de l'Hudaybiyah lui-même. Et c'est pas Ali. Donc, pour dire finalement, il savait écrire. Et c'est sûr que ce savant n'avait pas une mauvaise intention. C'est un très grand savant. Mais, regardez comment tout ce qu'il a reçu des savants contemporains. Et l'imam Ibn Kathir, il lui a trouvé, yani, pas une excuse, mais il a justifié sa compréhension. Pourquoi il a eu cette compréhension? Il l'a justifié, il l'a expliqué. Voilà le terme juste. C'est qu'il l'a expliqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a induit dans cette erreur? Alors que c'est un très grand savant. Ce savant, pour vous imaginer son poids dans le fiqh, et non pas dans les noms et les attributs, parce que c'était un ash'ari. Mais pour s'imaginer et pour avoir une idée de la taille de cet homme de science dans le fiqh et dans les fondements de le fiqh, au sol le fiqh et dans le fiqh, c'était le seul capable de faire face à Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm al-Andalusi, il suivait le madhhab al-Zahiri. Il était dur sur le Malikiya. Jusqu'à ce que cet homme, yani, a pu le stopper et lui faire face, qui est Abu al-Walid al-Baji. Tellement il avait de science, il avait d'intelligence également. Mais Allah al-Musta'an, au niveau des noms et des attributs, il suit le madhhab al-Ash'ari. Et il ne suit pas la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Les savants, ils trouvent des excuses pour ces savants, c'est que c'était la chose la plus répandue à leur époque. Et la voix de Ahl-Sunnah wal-Jama'a au niveau des noms et des attributs, c'était rarissime. Vous imaginez, yani dans l'Andalus, ceux qui suivaient la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils n'étaient pas très nombreux. Mais c'était les plus grands imams, tels que Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le petit Malik, tel que Ibn Abd al-Barr, Ibn Abd al-Barr al-Andalusi al-Qurtubi, Abu Yusuf, Umar, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, le grand imam, Cheikh al-Islam. Il a écrit deux livres qui n'ont pas de semblable dans les livres de l'islam, dans lesquels il a expliqué le Muwatta, At-Tamhid et l'Istidkar. Deux grands ouvrages qui démontrent la science de cet homme, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il était, ces deux-là, et d'autres également, étaient sur la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, même dans les noms et les attributs. Mais c'était pas une chose courante. C'était pas une chose courante. Alhamdulillah qui nous a guidés avec le peu de science qu'on a. Alhamdulillah, on a été guidés dans la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et on attribue à Allah, parmi ses noms et ses attributs, tout ce qu'il s'est attribué à lui-même, que ce soit dans son livre ou sur la langue de son prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire dans sa sunna, dans ses hadiths, on lui attribue tout ça, et on croit qu'il est décrit par ces choses d'une manière réelle, et on croit au sens de ses attributs et de ses noms, et on comprend d'eux ce que comprend les Arabes, et on ne cherche pas le comment. Il y a un comment pour chaque attribut, mais nous on l'ignore. Et Allah n'est semblable à aucune de ses créatures, dans aucun de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est aqidat al-sunnah al-jama'a, elle est très simple, très facile. Tu peux l'expliquer à une vieille femme dans une campagne, elle la comprendra. Si tu veux comprendre l'aqidat al-mutakallimin, tel que l'asha'ira, l'mu'tazila, et l'asha'ira al-maturidiyya, et l'kullabiyya, également le Mu'tazila ou le Jahmiya, et ainsi de suite, ils ont des choses que tu n'arrives pas à comprendre déjà, tellement c'est compliqué et complexe. C'est pour ça leurs imams, vers la fin de leur vie, ils ont souhaité mourir avec la même croyance que les vieilles femmes de Naïsabour, les vieilles femmes dans les campagnes et dans les villages, les petits enfants dans les mosquées qui apprennent le Coran. Tu lui dis Allah il est où, il te dit il est très haut. Hadou, ils te disent, al-Asha'ira, qu'Allah les guide et les ramène vers le haq, ils disent, Allah, il est partout. Wal-iyadu billah. Quelle intelligence! Alors que c'est des hommes, yani, qui ont une intelligence indescriptible. Mais ils étaient pas guidés. C'est pour ça, l'imam Zahabi, rahimahullah, a dit, faradiyallahu ani taqwa, ma'al balada. Wa sakhit Allahu, على الذكاء مع الفجور. يعني même si t'es pas très intelligent et t'es pieux et t'as la crainte d'Allah et t'es guidé dans la bonne voie, ceci est bien meilleur que d'être extrêmement intelligent et d'être déviant. والعياذ بالله. La signification de la parole de l'imam Zahabi. Parce que ceux qui se sont égarés, c'est des hommes qui ont à qui Allah a donné des raisons يعني أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. Ils ont eu, Allah leur a donné une intelligence, mais il leur a pas donné une crainte, une piété, une purification du cœur. Et il leur a donné des sciences, mais il leur a pas donné une compréhension. C'est pour ça la compréhension, c'est pas avec le nombre de choses que tu connais. C'est un don d'Allah. C'est une lumière qu'Allah jette dans le cœur de l'homme qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La compréhension conforme à la compréhension de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et conforme à la compréhension de Abu Bakr, et de Umar, et de Uthman, et de Ali, et de tous les compagnons, radiyallahu anhum, et des générations qui sont venues après eux parmi tabi'in et tabi'i tabi'in, jusqu'à la fin des temps, et qui se sont conformés à leur compréhension dans la religion. Donc, yani, l'imam Ibn Kathir a expliqué la raison de l'erreur de Abu al-Walid al-Baji. Il a dit, il s'est basé sur un hadith dans l'authentique de l'Bukhari. Dans certaines narrations de l'authentique de l'imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, il est rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit. Voilà sur quoi se sont mis d'accord Muhammad, fils de Abdullah, et celui qui était parmi les kuffar, Suhail ibn Amr, qui représentait kuffar Quraysh. Voilà sur quoi ils se sont mis d'accord. Donc il est rapporté qu'il a écrit. Mais dans d'autres narrations du hadith, il est rapporté qu'il a ordonné à Ali radiallahu anhu d'écrire. Voilà sur quoi se sont mis d'accord Muhammad fils de Abdullah et Suhail ibn Amr. Donc, la narration qui est conditionnée et qui est détaillée et qui est expliquée, elle nous permet de comprendre la narration qui est inconditionnée, sur laquelle s'est basé Abu al-Walid al-Baji, et nous permet de comprendre la signification. Il a écrit, quand tu dis, par exemple, le roi d'un pays a construit le palais. Ça veut pas dire que c'est lui qui, ça veut pas dire forcément que c'est lui qui l'a construit avec ses mains. Il a donné l'ordre de le construire. Également ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit, c'est-à-dire il a donné l'ordre à Ali radiallahu anhu d'écrire, parce que Ali ne voulait pas écrire au début, ne voulait pas effacer le messager d'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le faire. Et après, il l'a fait, radiyallahu anhu. Donc, les ahadiths, on les comprend en joignant les uns aux autres pour avoir une compréhension globale, une compréhension authentique. Le huitième point, c'est que mentir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas comme mentir de quelqu'un d'autre de sa communauté. Il a été rapporté d'une manière mutawatira, c'est-à-dire d'un grand nombre de rapporteurs, sur un grand nombre de rapporteurs jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam. À toutes, yani, fi kulli tabaqati al-hadith, à toutes les, yani, à chaque rapporteur, tu vas trouver à chaque génération, voilà, ce que je cherchais, tabaqat, les générations. À chaque génération de rapporteurs, tu vas trouver qu'il y a un grand nombre de rapporteurs qui ont rapporté le même hadith. Et le mutawatir, il est de deux catégories. Mutawatir avec les termes et mutawatir avec le sens. Ici, il est mutawatir avec le terme, c'est-à-dire ce même terme, il a été rapporté d'un grand nombre de rapporteurs, sur un grand nombre de rapporteurs, jusqu'à arriver aux compagnons, jusqu'à arriver au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est impossible que ce soit un mensonge. Les hadiths qui sont arrivés à ce degré-là, on regarde même pas l'authenticité de leur chaîne de transmission. Rien que le fait de prouver qu'il est mutawatir, ça nous indispense de chercher son authenticité. Ça, c'est plus fort encore que l'authenticité. Et le Coran, il a été rapporté de cette manière. Et il y a des hadiths qui ont été rapportés de cette manière. Mais ce n'est pas les seuls hadiths qui sont authentiques. Donc, parmi ces hadiths qui sont rapportés de cette manière, mutawatir, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment de moi, ni du prophète, alayhi salam, volontairement, qu'il s'attende, il est menacé, ni qu'il s'attende à sa place en enfer, il est menacé par le châtiment dans le feu de l'enfer, al-iyadhu billah. Ceci, ce hadith a été rapporté de plus de 80 compagnons. Et après, les tabi'in, la génération de tabi'in, énormément de tabi'in l'ont rapporté. Et la génération des tabi'in, les suiveurs des suiveurs, également, jusqu'à yani, les savants qui ont fait les livres de la sunna, tels que l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, et ainsi de suite. C'est pour ça, les savants, ils sont unanimement d'accord que celui qui ment sur le prophète alayhi salatu wassalam d'une manière volontaire en croyant que le mensonge sur lui est autorisé a apostasié de la religion. Il a mécru. Ils sont unanimement d'accord. Mais comprenez les conditions. C'est pas seulement mentir. Mentir volontairement. Il sait que le Nabi alayhi salam n'a pas dit ce hadith. Il le dit. Et ça suffit pas encore. Il le dit en croyant que cela est autorisé. C'est-à-dire, il s'est rendu licite. C'est-à-dire, il s'est rendu licite ce qui ne l'est pas. Ce qui est illicite. Et ça, c'est dans toute chose, Annie. Quelqu'un qui croit autoriser ce qui est interdit ou l'inverse, tout en sachant le jugement d'Allah, ça, c'est une forme d'apostasie. Ça, c'est une forme de grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Je vous donne un exemple. Quelqu'un nous dit, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le riba. Ou un exemple encore plus frappant que celui-là. Quelqu'un qui dit, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, pour sortir de la divergence, et pour sortir des cas particuliers. Parce que dans le riba, il peut avoir une interprétation. On va continuer le premier exemple, en espérant qu'il y ait une faïda. Il dit, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le riba. Mais pour moi, le riba est autorisé. Tout en sachant qu'Allah l'a interdit. Ça, c'est une forme de mécréance. Mais après, il y a des obstacles et des empêchements à lui donner le statut de la mécréance. Ceux qui donnent le statut de la mécréance, c'est les savants. C'est pas nous. Déjà, attention, ne rends pas mécréant un musulman. Reviens aux savants et pose-leur la question et détaille-la bien comme elle est. Mais ça ne veut pas dire on ne rend pas mécréants les mécréants. Un juif, un chrétien, c'est des mécréants, c'est des koufars. Ce qu'on appelle kafir al-asli. Ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est des koufars. Le mécréant qui est d'origine mécréant. On parle de quelqu'un qui est musulman. Le faire sortir de l'islam, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux que je vous déconseille et de revenir aux savants et de ne jamais te prononcer sur le statut d'un musulman. Sauf quand les savants ont parlé. Mais ce que tu peux faire avec ton niveau de science, c'est de conseiller. Lui dire ça, c'est du kufr. Ce que t'as fait, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Repends-toi à Allah. Ça, c'est autorisé. Mais le faire sortir de l'islam et croire que c'est un mécréant et lui appliquer tous les jugements, ça, c'est du ressort des savants et non pas des ignorants ou les débutants dans la science. C'est du ressort des hommes de science. Donc, celui qui ment, on a dit riba, parce que il peut avoir une interprétation. Il dire, par exemple, parce que aujourd'hui, les musulmans, ils sont dans un état de nécessité. C'est des fausses interprétations. Mais quand il y a des choses comme ça, ça peut empêcher l'homme de science de lui donner le statut de la mécréance. Jusqu'à lui clarifier cette choubha, cette ambiguïté qu'il a. Et s'il persiste sur sa position, il lui donne le statut de mécréance. Et il est excommunié. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'alcool. Quelqu'un qui dit, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le khamr, le vin, l'alcool, les boissons enivrantes. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits. Mais moi, je vois que c'est autorisé avec modération. Là, ce cas-là, il est plus clair que le premier. Il est plus clair que le premier. Mais là, on parle que du côté théorique, mes frères. On parle que de la théorie. Pour connaître le mal afin de ne pas tomber dedans. Pas pour appliquer les jugements aux gens et rendre mécréant le musulmane. On apprend le mal afin de ne pas tomber dedans et afin de conseiller les gens qui tombent dans ce mal et de leur faire da'wa. Mais quand il s'agit de rendre mécréant un musulman, faut revenir vers les hommes de science. Donc celui qui, le huitième point, on a vu que c'était celui qui ment sur lui. Les savants sont unanimement d'accord que celui qui ment sur le prophète, alayhi salatu wassalam, tout en croyant, yani d'une manière volontaire, tout en croyant que ceci est autorisé, il a mécru. Et ils ont divergé par rapport à celui qui ne voit pas que c'est autorisé, mais qui ment sur le prophète alayhi salatu wassalam d'une manière volontaire. L'imam Ibn Kathir a dit, Cheikh Abu Muhammad, c'est le père de Al-Juwayni, imam Al-Haramain, c'est son père. Lui, il voit qu'il devient mécréant, mais la plupart des savants ne voit pas qu'il devient mécréant, car c'est un grand péché comme les autres grands péchés. Après, un autre point qui est en lien avec celui-là, s'il se repent, quelqu'un qui a menti du prophète alayhi salatu wassalam volontairement, s'il se repent, est-ce qu'on accepte ses narrations du hadith ou tout a rejeté de lui? L'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Yahya ibn Ma'in et l'imam Abu Bakr al-Humaydi ont dit, on n'accepte jamais sa narration, même s'il se repent. Son repentir est entre lui et Allah, mais on ne l'accepte pas dans la science du hadith. Il est tombé à jamais dans la science du hadith. Car le Nabi alayhi sallam a dit, le mensonge sur moi n'est pas comme le mensonge sur l'un d'entre vous. Celui qui ment de moi qui s'attend à sa place en enfer. Et ils ont dit, c'est connu que celui qui ment de quelqu'un d'autre que le prophète alayhi sallam, c'est une forme de déviance et de péché et de perversité. Également, celui qui ment de lui, c'est un péché. Mais celui qui se repent du mensonge sur autre que le prophète alayhi sallam, on l'accepte et sur ça, ils sont unanimement d'accord, les savants. Quelqu'un qui ment dans les paroles des gens, s'il se repent, on accepte son hadith. Mais par contre, ils ont dit que celui qui ment sur le prophète alayhi sallam, il faut qu'il y ait une distinction entre yani les deux. Donc la distinction, c'est qu'on n'acceptera jamais son hadith. Du moment que c'est prouvé qu'il a menti volontairement dans un hadith, cet homme tombera à jamais. Et on n'acceptera jamais de lui une narration, un seul hadith. Ça, c'est l'avis de ces imams que je vous ai cités. L'imam Ahmad, l'imam Yahya ibn Ma'in, l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Mais la plupart des savants voient qu'on accepte sa narration du moment que c'est confirmé qu'il s'est repenti de ce mensonge, comme les autres mensonges. Et l'imam Ibn Kathir a dit, et ça, c'est l'avis juste. La neuvième mas'ala, c'est que celui qui voit le prophète alayhi salam dans un rêve, il l'a vu réellement. Car Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète alayhi salam dans un rêve. Et ce point, je l'avais expliqué dans d'autres passages de ses cours. L'imam Ibn Kathir a dit, la condition, c'est qu'il le voit avec l'apparence qu'il avait pendant son vivant. Comme ceci est rapporté dans, par l'imam al-Nasa'i, selon Abdullah ibn Abbas. Mais si tu entends une voix, il te dit, je suis le messager d'Allah, ça peut être Shaitan. Ou il te voit, il vient avec une autre apparence, avec une autre image que celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans ce cas-là, ça peut être Shaitan également. Quand est-ce que tu peux être sûr que celui que tu as vu dans le rêve est bel et bien le prophète, alayhi salam? C'est quand tu le vois avec les descriptions qu'on a vues dans ce qui a précédé. Avec sa barbe, avec son visage, ses yeux, son nez, comment il est, ses cheveux, et ainsi de suite. Son corps. Et parmi les signes également, il t'ordonne pas quelque chose qu'il t'a interdit dans le dunya. Nabi alayhi salam a interdit le bid'a, il vient dans un rêve, il t'ordonne de pratiquer une bid'a. Alors là, tu peux savoir que c'est pas le Nabi alayhi salam. Déjà. Et les savants sont unanimement d'accord que si jamais le Nabi alayhi salam il te raconte un hadith pendant le rêve, c'est pas un hadith qu'on prendra de toi. C'est-à-dire de manière générale, ça c'est valable pour le hadith, mais c'est valable de manière générale. On ne prend pas un jugement d'un rêve. Même si tu as vu le Nabi alayhi salam ou là tu as vu quelqu'un d'autre, on ne prend jamais de jugement des rêves. Les rêves, ça nous apaise dans un choix. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire on ne va pas prendre un hukm d'un rêve. Jamais de la vie. Le hukm, on le prend des textes. Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam. Voilà, comme ça, ce chapitre, il est clair et net. Le dixième point, et c'est celui-là qui est très faible, c'est que, justement, ce savant Shafi'i, qui s'appelle Abu al-Abbas ibn al-Qas, dans son livre, il a cité cette particularité du prophète alayhi salam. C'est que, si jamais le prophète alayhi salam, il commet un acte d'associationnisme, ses actes et ses œuvres deviendront nuls, toutes. Et il a dit que ça, c'est spécifique au prophète alayhi salam. Par contre, les autres membres de sa communauté, les actes ne deviennent nuls et caduques que quand ils meurent sur shirk. Mais quand ils se repentent, yani Allah, il leur donne leurs bonnes œuvres qu'ils avaient pratiquées avant. Et ça, c'est ni'ma d'Allah sur nous. Mais ça, c'est, yani cette compréhension, elle est faible. Comme a dit l'imam Ibn Kathir, si ce savant n'avait pas cité ce point dans son livre et d'autres savants l'ont suivi, il l'aurait pas mentionné dans son livre. Parce que ça, c'est valable pour Nabi alayhi salam ainsi que pour toute personne. Quand elle tombe dans un acte d'associationnisme, toutes les œuvres deviennent nulles. Toutes les œuvres deviennent caduques. Et si elle meurt sur ça, alors elle rencontrera Allah avec les derniers, avec rien comme œuvre, comme bonnes œuvres. Mais si jamais elle se repent pendant son vivant, alors Allah lui redonne ses bonnes œuvres. Que ce soit le prophète alayhi salam ou un membre de sa communauté. Et ce verset, même si Allah il s'adresse à son prophète alayhi salam, c'est impossible que le Nabi alayhi salam il tombe dans le shirk. Mais ça, c'est pour nous montrer la gravité du shirk. Même quelqu'un qui a un statut très élevé chez Allah, ce statut ne lui sera d'aucune utilité s'il commet shirk, s'il prête des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour nous mettre en garde contre shirk et nous montrer sa gravité. C'est ça la signification. Et celui qui se repent, Allah accepte son repentir. efface ses péchés. Il lui transforme ses péchés en des bonnes actions. Il lui redonne ses bonnes actions avant de commettre cet acte qui les a rendus caduques. Subhanallah, ni'ma. Les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt mécréant, nuls seront ses œuvres en ce bas monde. Ça, c'est pour celui qui meurt sur le kufr, sur la mécréance, sur l'apostasie, sur l'associationnisme. Mais celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Le onzième et le dernier avec lequel nous allons terminer bi'idnillah, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ce qu'on appelle kha'inatul a'yun. C'était pas autorisé pour lui d'avoir kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun, c'est la traîtrise des yeux. Ça signifie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas faire un signe avec l'œil contraire à ce qu'il dit. Il ne pouvait pas dire une chose et faire un signe avec une autre chose. Et ça, à son sujet, et le concernant lui, exclusivement, ça représente comme un dénigrement. C'est pour ça, il ne le faisait pas. Et ceux qui ont dit ça, cette particularité du prophète, ils se sont appuyés sur une histoire qu'on a déjà vue, concerne Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Yani Abdullah ibn Abi Sarh, il fait partie de ceux dont Nabi a rendu licite leur sang. Quand il a conquis Mecca, un petit nombre d'hommes et de femmes qui faisaient beaucoup de mal au prophète alayhi sallam quand il était à Mecca, il a rendu leur sang licite. Il a dit tuez-les partout où vous les trouvez, même attachés à Al-Kaaba. Et il faisait partie de ces hommes, cet homme qui s'appelle Abdullah ibn Abi Sarh. Et quand Uthman radiallahu anhu est entré à Mecca, il l'a pris, il l'a caché chez lui. Jusqu'à ce qu'il a trouvé le moment opportun, il l'a ramené devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au messager d'Allah, voilà, c'était le frère d'allaitement de Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Abi Sarh. C'était son frère d'allaitement. Il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au messager d'Allah, tends ta main à Abdullah, fais-lui le pacte d'allégeance. Il entre dans l'islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait tout de suite. Il s'est arrêté, il ne l'a pas fait. Il espérait que quelqu'un parmi ses compagnons le tue, car il avait rendu licite son sang. Il n'a pas fait le pacte d'allégeance à lui la première fois. Ensuite, Uthman radiallahu anhu a répété une deuxième fois, jusqu'à la troisième, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait le pacte d'allégeance. Il lui a fait le pacte d'allégeance, il a accepté son islam, et donc cette sanction a été annulée. Cette sentence a été annulée, yani en acceptant son islam, en acceptant de lui l'islam. Et par la suite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il n'y avait pas parmi vous un homme pour comprendre ce que je voulais. Quand il s'est arrêté, il n'a pas fait le pacte d'allégeance tout de suite. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'arrête pas dans une chose comme ça. S'il s'est arrêté, c'est qu'il y a bien une raison. Et en plus, il avait rendu son sang licite. Il leur a dit, il n'y avait pas parmi vous un homme pour comprendre et le tuer. Ils ont dit au messager d'Allah, si seulement tu avais fait un signe avec l'œil, là, là tu es présent, on ne peut pas s'avancer entre tes mains. On ne sait pas, peut-être tu as reçu une révélation, peut-être. Donc, il y a des excuses également. Ils ont dit, si seulement tu avais fait un signe. Il a dit, il ne doit pas un prophète d'avoir une kha'inat al-a'yun, c'est-à-dire une traîtrise des yeux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré ça comme une traîtrise avec les yeux, de dire une chose et de faire un signe avec une autre chose. Et ce hadith est authentique. Et ça, c'est exclusif au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour les questions concernant le livre de la foi. Le cours prochain, bi'idhnillah, nous allons parler des points qui concernent la purification et la prière, bi'idhnillah. Et après, on va enchaîner avec le jeûne avec zakat, le jeûne, siyam, le hajj, et quelques nikah également, qui est très important dans ces points, au point où certains savants ils n'ont cité des points spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les points concernant le mariage. Et quelques autres points, bi'idnillah, que nous allons faire, bi'idnillah, je pense, en 3 cours pour finir ce livre, pour arriver à 50 cours dans cette série. Qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable et nous donne une bonne fin et prend nos âmes sur l'unicité pure et le suivi de la sunna authentique. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته